deuxième temps de notre série France-Égypte Fascination Mutuelle. Aujourd'hui, le documentaire et la naissance de l'égyptologie. Hier, nous vous avons parlé dans cette série de la place de l'Égypte antique dans la fiction du 19e au 21e siècle. Demain, Victor Massé de Lépinay nous guidera dans l'exposition qui ouvre ces temps-ci à l'Institut du Monde Arabe à Paris, consacrée au canal de Suez. Et jeudi, il sera question de croisades et de Louis IX en Égypte. Et aujourd'hui, me direz-vous, aujourd'hui, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et Marie-Laure Ciboulet nous conduit aux origines de l'égyptologie. Nous sommes dans les années 1820 en France et Jean-François Chambellion vient de découvrir la traduction possible des hiéroglyphes. C'est le début des antiquités égyptiennes au Louvre, une discipline qui naît. Et c'est cette naissance qui vous est racontée dans le documentaire de ce matin par Vincent Rondeau, Christophe Barbotin, Patricia Rigaud, Juliette Tanrechevic. Et les textes sont lus par Olivier Martineau, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et de Marie-Laure Ciboulet jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Ce qu'il y a de vraiment fascinant dans les objets égyptiens, c'est que vous trouvez rarement des objets un peu importants qui n'aient pas de texte. Et c'est vrai que le déchiffrement de cette écriture et donc l'accès à toute cette littérature et à toute cette partie en fait de la civilisation égyptienne, ça a été quelque chose qui a vraiment déclenché, qui a vraiment fait naître cette discipline de l'égyptologie. Alors dans les années 1820-1830, il n'y a pas d'égyptologue. Le seul égyptologue, c'est Champollion. Nous considérons toujours, aujourd'hui, ici au Louvre, que Champollion, de ce point de vue-là, est notre ancêtre à deux titres. Parce qu'il a découvert les hiéroglyphes et parce qu'il a créé la conception moderne d'un musée égyptien, un musée d'archéologie, en fait. Les bronzes sont sur pied. Les dieux et les animaux sacrés sur des socles de marbre de Sienne ou de chrome. Les monuments royaux sur albâtre oriental. Les civils sur serpentine. Et les funéraires sur des socles noirs. Ce sera une véritable encyclopédie égyptienne par ordre de matière, religion, gouvernement, mœurs, usages, costumes, etc. Tout passera successivement sous les yeux des spectateurs. Et chaque objet mis en relation avec ceux d'une même classe en prendra un nouvel intérêt. Champollion au Louvre, l'égyptologie au berceau. Victor Massé de Lépinay, Marie-Laure Ciboulet. Donc, par sa muséographie, il souhaite classifier les objets selon qu'ils appartiennent au domaine funéraire, au domaine religieux, au domaine royal, et ainsi que les visiteurs puissent les repérer directement comme appartenant à l'une ou l'autre catégorie, qui sont aussi les catégories utilisées dans la répartition des salles, les différentes salles. Enfin, non seulement le travail de Champollion est une source première, mais il reste une inspiration première. Le programme voulu par Champollion, finalement, n'a pas changé ou très peu, en 200 ans, vis-à-vis du visiteur, vis-à-vis de la question de la civilisation égyptienne et de la compréhension qu'on en a, vis-à-vis de notre rapport à ce passé, etc., etc., etc. Des sphinx, des amulettes, des bijoux, des statuettes, des figurines, des scarabées, des momies, des stèles, des papyrus. Nous sommes au musée du Louvre, dans le département des antiquités égyptiennes. Celles et ceux qui nous y accueillent y travaillent comme directeurs, chargés d'études documentaires, conservateurs ou doctorantes. Ils nous racontent l'histoire de ce département, ouvert en 1827, une histoire qui se confond dans cette première moitié du 19e siècle avec celle d'une discipline, l'égyptologie. Dans cette histoire, la figure de Jean-François Champollion occupe la première place, mais partons d'un peu plus loin. Le rapport que nous avons au patrimoine égyptien, il est historiquement très enraciné dans la mentalité européenne. Vincent Rondeau. Tout simplement parce que ce sont les Grecs les premiers qui ont eu une curiosité patrimoniale à l'égard de la civilisation égyptienne. Les Grecs qui ont considéré que c'est chez les anciens Égyptiens qu'ils allaient pouvoir trouver les origines de leur propre dieu, de leur propre fait de civilisation. Ils ont conçu l'Égypte ancienne comme une source. Les Romains, ensuite, ont eu un rapport un peu différent à l'Égypte ancienne, qui poursuivait ce premier rapport des Grecs, mais qui l'a augmenté en quelque sorte d'une vision du côté du mystère. L'Égypte est devenue un réservoir de savoir mystérieux, de savoir caché, de savoir qu'il faut expliciter, auquel il faut accéder comme on accède à des secrets. Et ça, ça conditionne évidemment pour des siècles le rapport qu'on va avoir à cette civilisation. Elle est quelque chose du côté du mystère. Hermès Trismégiste, Thoth trois fois grand, etc. La flûte enchantée, du coup, tout ça, vous voyez, qui dépend directement de ce rapport à quelque chose de mystérieux. Et il y a un troisième point qui est fondamental dans le rapport qu'a l'Occident et à travers lui toute une partie de la planète à la civilisation égyptienne, c'est la Bible. Pendant très longtemps, on a imaginé que comprendre les hiéroglyphes, ça signifierait avoir accès à la Bible. On saurait l'âge du déluge, on saurait les dates précises de Moïse, on saurait tout ça. Est-ce qu'on peut parler, Patricia Rigaud, d'un intérêt au second degré, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'Égypte pour elle-même ? Pendant très longtemps, en fait, l'Égypte et l'art égyptien n'ont pas été considérés comme vraiment importants. Et en fait, c'est vraiment à Vivant-Denon, Dominique Vivant-Denon, qu'il faut attribuer le mérite d'avoir manifesté un réel intérêt pour l'art égyptien. Vivant-Denon a accompagné l'expédition d'Égypte et donc il a vu, il a découvert cette Égypte et les monuments égyptiens. Il a fait à son retour, il a donc publié un voyage dans la haute et basse Égypte avec des planches. Il a ramené aussi pas mal d'objets et il a continué à augmenter cette collection pour laquelle le Louvre s'est porté acquéreur. Et donc, on a un certain nombre d'objets qui viennent de la collection du baron Vivant-Denon. Voyage dans la basse et haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte par Vivant-Denon. 1802, note de l'éditeur. Honneur à Monsieur Denon, qui, au péril de sa vie, est allé le premier de tous les savants de l'expédition de Bonaparte, au milieu des fracas des batailles et dans l'incertitude du succès, visiter et dessiner des monuments qui ont fait l'admiration et l'étonnement des siècles passés. Il n'entre point dans mon objet de discuter ici le mérite ou l'extravagance de cette expédition. Contentons-nous de jouir de ses résultats dans le magnifique ouvrage qu'elle a déjà produit, en attendant l'ouvrage plus magnifique encore que prépare la Commission des Arts et des Sciences de l'Institut d'Égypte. Il est incontestable que l'expédition d'Égypte a été un élément déclencheur considérable. Cette entreprise voulue par Bonaparte, elle est à la fois inaugurale, mais en même temps l'aboutissement d'un processus. C'est aussi en cela que le moment est clé dans l'histoire de la discipline, c'est que les esprits sont mûrs au point que un visionnaire comme Bonaparte, par exemple, qui est préoccupé par de tout autre chose que la compréhension de la civilisation égyptienne, qui a la route des épices à ouvrir en concurrence avec l'Angleterre, pour autant décide d'emmener sous le secret, sans leur donner le lieu où ils vont se rendre, hein, des jeunes gens, des jeunes savants de 20 ans en moyenne, pour aller faire ce travail considérable avec lequel ils sont revenus de la vallée du Nil. Les talents de Monsieur Denon sont déjà jugés par toute l'Europe. Sa touche fine et spirituelle, l'exactitude de ses dessins, l'agrément de sa manière étaient connus par les ouvrages qu'il a publiés antérieurement. Et il passait généralement pour un des meilleurs dessinateurs existants. Ce dernier ouvrage met le comble à sa réputation d'artiste. On a peine à concevoir comment un homme seul a pu, en si peu de temps et dans des circonstances tellement pénibles et fatigantes, exécuter un travail aussi prodigieux et le rendre public d'une manière aussi brillante, en un espace de temps aussi court, 2 ans après son retour. Vivant-Denon, c'est un personnage tellement vaste, tellement riche, et lui aussi visionnaire, parce que c'est finalement cela qu'on est en train de raconter, c'est les visions de plusieurs personnes qui concourent à créer ce momentum qui va créer l'égyptologie. Et à l'époque, le patron de l'entreprise, le patron scientifique, c'est le trône, c'est un helléniste. Pourquoi ? Parce que précisément, l'accès le plus fiable que l'on ait à des sources directes, venant du territoire égyptien, c'est à travers les inscriptions grecques d'Égypte, puisque le grec, on le traduit, on est de plein pied avec cette langue, donc on n'a pas de difficulté à, dès qu'on trouve une inscription grecque, au nom d'un souverain, une dédicace ou une inscription funéraire ou que sais-je, et du coup, on vient à l'Égypte antique par l'Égypte gréco-romaine, celle qui a été conquise par Alexandre, puis qui est devenue province impériale de l'Empire romain, et qui a été gouvernée par une administration hellénophone, étrangère au pays, et qui écrivait en grec, du coup. Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment l'égyptologie se met dans la dépendance d'une discipline antique, archéologique, bien installée, les études grecques. L'expédition d'Égypte, effectivement, 1798-1801, a été miraculeuse pour la science. Christophe Barbotin. Au départ, il faut tout de même savoir qu'elle répondait à deux objectifs pas très avouables. Il s'agissait, un, d'essayer de couper la route de l'Inde à l'Angleterre, et deux, d'écarter un général qui commençait à devenir très inquiétant, le général Bonaparte. C'est la succession de victoires en Italie et en Autriche le faisait de lui un dictateur potentiel. On espérait bien qu'il n'en reviendrait jamais. Donc on l'a envoyé là-bas avec un corps expéditionnaire extrêmement important, et comme on était héritier des Lumières, on a adjoint à ces soldats toute une troupe de savants dans toutes les disciplines possibles pour étudier ce pays étrange et mystérieux qu'était l'Égypte. L'histoire, on la connaît, l'expédition d'Égypte débarque à Alexandrie, remporte de grandes victoires terrestres, mais la flotte est anéantie à Aboukir par l'amiral Nelson. Donc l'armée d'Égypte est prisonnière en Égypte. Elle fait des grandes découvertes archéologiques et notamment un officier du génie découvre à Rosette, actuel Rachid, dans le nord-est du Delta, une pierre manifestement trilingue. Les officiers étaient souvent des gens cultivés, tout de suite ils ont compris l'importance de ce document et dès qu'on l'a découvert, on en a fait des estampages. Et les savants d'Égypte et les soldats ont réuni toute une collection fort importante, comme on faisait à l'époque. De toute façon, tout était à prendre, tout était en ruine, et personne ne s'y intéressait sur place. Les aléas de la stratégie militaire ont fait que tous les objets qui avaient été collectés par les Français ont finalement été cédés aux Anglais suite au traité qui a été conclu entre les deux nations. Juliette Tanré-Chavzik. C'est une collection qui est qualifiée souvent de première collection faite avec un souci d'échantillon de la production égyptienne, puisque jusqu'à présent on avait des pièces isolées qui avaient été ramenées par un voyageur ou retrouvées à Rome, ramenées dans l'Antiquité en Europe. Et là, pour la première fois, il y a une collection qui a été réunie par les savants de l'expédition pour essayer d'illustrer la civilisation égyptienne. Donc, malheureusement, cette collection est partie au British Museum, malheureusement pour les Français bien sûr, et a formé le noyau du département égyptien du British Museum. Au terme de la capitulation, les Anglais avaient d'abord exigé que les savants français livrent non seulement toutes leurs antiquités, mais toutes leurs notes. Alors à ce moment-là, les savants ont dit que dans ces cas-là, ils mettraient tout par-dessus bord. Ils ont donc pu garder quand même leurs notes et leurs estampages et livrer toutes les antiquités glanées lors de l'expédition à la flotte anglaise, notamment la pierre de Rosette. Et ici au Louvre, rien qui ne vienne de l'expédition d'Égypte. Nous n'avons ici rien qui provienne de l'expédition d'Égypte militairement. Nous avons certains objets qui ont appartenu à des collections privées de membres de l'expédition et qui sont arrivés ensuite dans les collections nationales, après être passés par plusieurs collections successives. Mais juridiquement, c'est tout à fait différent. Voilà. Quant à la pierre de Rosette, bien entendu, c'était miraculeux, puisqu'on avait un texte qu'on supposait identique en hiéroglyphe, en démotique, la langue tardive, écriture tardive, et en grec. Sur ces trois langues, on connaissait le grec. Alors, de nombreux savants se sont penchés sur la comparaison des trois textes. Thomas Young en Angleterre, Champollion en France, Aclerbad, je crois, en Danemark, pour le démotique. Et on a très vite compris que les cartouches correspondaient à des noms de rois. Alors, on avait quand même les hypothèses, on commençait à s'échafauder de cette manière-là. Champollion a trouvé la clé, parce qu'il avait un fond énorme. Passionné par l'Égypte très tôt, il a tout de suite compris qu'il ne comprendrait pas l'Égyptien en partant de rien. Alors, tout enfant, il a appris l'hébreu, l'arabe, l'araméen, même un peu de chinois pour se donner des idées d'écriture étrangère. Le grec et le latin, bien entendu, n'avaient aucun secret pour lui. Et le copte. Champollion avait supposé à très juste titre que le copte était de l'égyptien sur le plan grammatical. Ça a été déterminant. Jean-François Champollion, lettre à Monsieur Dacier, 18 septembre 1822. Monsieur, je dois aux bontés dont vous m'honorez l'indulgent intérêt que l'Académie royale des inscriptions et belles lettres a bien voulu accorder à mes travaux sur les écritures égyptiennes en me permettant de lui soumettre mes deux mémoires sur l'écriture hiératique ou sacerdotale et sur l'écriture démotique ou populaire. J'oserai enfin, après cette épreuve si flatteuse pour moi, espérer d'avoir réussi à démontrer que ces deux espèces d'écriture sont l'une et l'autre non pas alphabétiques, ainsi qu'on l'avait pensé si généralement, mais idéographiques, comme les hiéroglyphes mêmes, c'est-à-dire peignant les idées et non les sons d'une langue. Et croire être parvenu, après 10 années de recherche assidue, à réunir des données presque complètes sur la théorie générale de ces deux espèces d'écriture, sur l'origine, la nature, la forme et le nombre de leurs signes, les règles de leur combinaison, et avoir ainsi jeté les premiers fondements de ce qu'on pourrait appeler la grammaire et le dictionnaire de ces deux écritures, employées dans grand nombre de monuments, et dont l'interprétation répandra tant de lumière sur l'histoire générale de l'Égypte. La lecture des hiéroglyphes a permis à Champollion d'avoir un aperçu général de la civilisation égyptienne. Je dis bien un aperçu. Il a acquis les principes à une vitesse stupéfiante, vraiment stupéfiante. En 1822, dans sa fameuse lettre à Monsieur Dacier, il a découvert les grands principes, mais il ne sait pas encore vraiment lire. 6 ans plus tard, il lit tout, y compris l'écriture cursive, manuelle, ce qu'on appelle le hiératique ou le démotique. C'est extraordinaire. Est-ce que ce saut, ce pas qui a été fait avec le déchiffrement des hiéroglyphes, Juliette Tanret, a nécessairement fait basculer toute la science naissante sur l'Égypte antique? Alors oui et non, puisqu'il y a certaines données en fait qui n'étaient pas du tout considérées au tout début, ce qui concerne notamment la chronologie, qui était très mal connue. Et on avait cette vision qui est restée un peu dans l'esprit des gens, d'une Égypte immuable, tout au fil des 4000 ans de l'histoire égyptienne, avec beaucoup de permanence et un art qui reste régi par les mêmes conventions du début à la fin. Donc effectivement, sur ce point-là précisément, le déchiffrement des hiéroglyphes va être un bouleversement profond. On va enfin réussir à établir une chronologie, à comprendre de quelle époque sont les vestiges dont on parle. Pour le reste, les auteurs latins avaient quand même décrit certains faits de civilisation, notamment le panthéon, les divinités, la manière dont la religion s'organisait, qui était assez proche, en tous les cas, de ce qu'on trouve aux époques qui leur étaient contemporaines, ou plus ou moins. On va, pour la première fois, se donner les moyens d'être de plein pied vis-à-vis de cette civilisation. Et c'est ça qui est un peu fascinant, qui désarçonne. On a enfin les moyens d'avoir un accès direct à une culture qu'auparavant, on ne connaissait que par un truchement. Et ça, c'est fascinant. Le truchement d'Hérodote, de Strabon. Oui, exactement. Diodore de Sicile, des Éthiopiques d'Héliodore, du roman d'Alexandre. Roman d'Alexandre, on oublie que c'était une des œuvres les plus lues du Moyen-Âge. Jean-François Champollion, Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, 1824. L'histoire nationale de l'Égypte a déjà recueilli de nombreuses certitudes. J'ai reconnu les noms de ses plus grands princes, inscrits sur des monuments élevés sous leur règne. Misfra Toutmosis, Toutmosis, Amenophis II, Ramsès Meyamoun, Ramsès le Grand, Sésonchis, personnages dont la critique moderne, trop prévenu contre les témoignages des écrivains grecs et latins, contestait déjà l'existence, rentre enfin dans le domaine de l'histoire. Les détails même des grands événements de leur vie politique ne sont point à jamais perdus pour nous, et des copies exactes des bas-reliefs historiques et des innombrables inscriptions qui les accompagnent sur les pylônes et les longs murs d'enceinte des palais de Thèbes pourront suppléer à leur égard au silence des auteurs classiques. Donc Champollion non seulement est un philologue, un découvreur, mais c'est aussi un pédagogue. Et il tient beaucoup à faire comprendre à ses contemporains cette civilisation qu'il vient de découvrir dans tous ses aspects nouveaux. Qu'il me soit permis, en finissant, d'exprimer un vœu que partageront sans doute tous les amis des sciences. Qu'au milieu de la tendance générale des esprits vers les études solides, un prince, sensible à la gloire des lettres, réunisse dans la capitale de ses états les plus importantes dépouilles de l'Antique Égypte. Celle où elle inscrivit avec une persévérance sans exemple son histoire religieuse, civile et militaire. Qu'un protecteur éclairé des études archéologiques accumule dans une grande collection les moyens d'exploiter avec fruit cette nouvelle mine historique, presque vierge encore, pour ajouter ainsi à l'histoire des hommes les pages que le temps semblait nous avoir à jamais dérobées. Puisse cette gloire nouvelle, car toute institution éminemment utile est aussi éminemment glorieuse, être réservée à notre belle patrie. Un certain nombre d'objets égyptiens sont entrés au Louvre avant Champollion. Quelques-uns, une poignée, issus des collections royales, à titre de curiosité. Un certain nombre également pris lors des saisies révolutionnaires. On en a plusieurs, on a notamment à côté d'ici une statue qui a été trouvée enfouie dans le jardin du banquier de Laborde Méréville, qui a été guillotiné en 1794 pour le bien de la nation. Et puis, à la Restauration, à la suite de l'expédition d'Égypte et de l'intérêt qu'éveillait l'Égypte, on a commencé à acheter. Donc le comte de Forbin a acheté en 1827 le grand colosse de Siti II, qui est présenté dans cette salle, qui mesure 2,50 m à 3 mètres, plus de 3 mètres de haut, pardon, et dont le symétrique se trouve aujourd'hui au musée de Turin. Il est également allé en Égypte, le comte de Forbin, et on a rapporté un certain nombre d'objets importants, notamment un certain nombre de statues de Sermet, la déesse Lyonne, en diorite noire brillante qui se trouve là-bas. Donc il y avait déjà quelques objets ici, présents, mais encore un tout petit volume. Les grandes masses commencent sous l'impulsion de Champollion lorsqu'on se décide à acheter les collections des consuls. Ces consuls occupaient une partie de leur temps libre à amasser de grandes collections d'antiquités par ils nous envoyaient des rabatteurs prélever un petit peu au hasard des beaux objets. Ils en constituaient des grandes collections qu'ils tentaient de vendre en Europe. Les rabatteurs, c'était des gens locaux, des Égyptiens? Non, c'était des Européens qui s'appuyaient sur des gens locaux qui leur disaient où chercher, bien entendu. Ce qui, en fait, forme le cœur de cette collection égyptienne, eh bien, ce sont des collections qui ont été constituées pendant les premières années du XIXe siècle et que le Louvre a achetées. Alors, je pense notamment aux collections Durand, collections Soult ou encore collections Drovetti. Sosthène de la Rochefoucauld, directeur des Beaux-Arts, à Sa Majesté Charles X, 15 mai 1826. Les monuments grecs, romains ou du Moyen-Âge sont très nombreux au Musée royal du Louvre. Quant aux monuments égyptiens, ils s'y trouvaient jusqu'à ce jour en trop petit nombre pour que l'on dût en former une nouvelle division à part. Mais les dernières acquisitions en augmentent considérablement la quantité et l'importance. Ces monuments sont aussi de genre plus varié, puisqu'ils ne se composent plus seulement de grands et de petits monuments de sculpture, mais de manuscrits, figurines, amulettes, bijoux, costumes, ustensiles civils et religieux, pierres gravées, médailles, etc. Ces monuments de toute espèce forment en quelque sorte, par leur ensemble, les archives de l'histoire générale de cette contrée célèbre. Il paraît donc nécessaire, et c'est l'avis de Monsieur le directeur général des musées, de faire des monuments égyptiens une division spéciale du musée du Louvre. Alors la première collection Soult a été achetée par le British Museum. Et donc le Louvre a acheté la deuxième collection Soult, et c'est Champollion qui a vraiment, vraiment beaucoup insisté pour que cette collection soit achetée, parce qu'il l'avait vue à Livourne, et il en avait fait justement tout un inventaire. Et c'est donc grâce à lui que cette collection a été achetée en 1826. En matière de collection égyptienne, la France est en retard. Le British Museum a ouvert ses collections beaucoup plus tôt, visible au public, en matière d'antiquité égyptienne. Le musée de Turin également, puisqu'il a acheté la première collection de Rovetti. C'est un petit peu dans un souci de concurrence entre puissances européennes, puissance concurrence intellectuelle aussi, que s'inscrit la naissance du département égyptien du Louvre. C'est très clair. Souvent, Champollion le dit ou d'autres, il faut combler ce retard qui est inadmissible. Le retard qui est vite comblé, effectivement, puisque très vite, le Louvre va dépasser le musée de Turin. Non pas le British Museum, qui aura toujours une longueur d'avance sur nous, en termes de quantité en tout cas, certainement. Et sinon, sur le plan des relations internationales, l'Europe de cette époque-là, c'est l'Europe post-congrès de Vienne, qui est au début une longue période de paix et d'entente entre les puissances. Et quant à l'Égypte, l'Égypte est une puissance à cette époque-là indépendante, redoutée à cause de l'esprit remarquable de ce pacha d'Égypte, Mehmet Ali, qui était une brute infâme, ça c'est sûr, mais éclairée. Il avait compris qu'il était indispensable de se moderniser s'il ne voulait pas tomber un jour sous la coupe européenne. Et il a fait venir ingénieurs, penseurs européens, industriels, dans ce but-là. Donc l'Égypte de cette époque-là, c'est une Égypte qui bouillonne beaucoup, où il se passe énormément de choses. On découvre les antiquités, mais on en détruit encore plus. Il faut bien le savoir, et ne pas l'oublier. Et Champollion lui-même nous dit qu'il voit tel monument en descendant le Nil vers le sud, et quand il revient, il n'y est plus. Il a été détruit. C'est le paradoxe à ce moment-là. Pour ma part, c'est un avis tout à fait personnel, hein, puisque certains chercheurs ne le partagent pas. Je pense que il faut vraiment tenir compte du fait que l'Égypte, à l'époque, a à gagner aux échanges qu'elle peut avoir avec les consuls des puissances européennes. Donc, effectivement, on ne nie pas qu'à l'époque, l'Europe, même si l'Égypte n'est pas une colonie, exerce un pouvoir quand même de nature coloniale sur cette population. Mais Mehmet Ali, à l'époque, qui dirige l'Égypte, va utiliser les Européens pour parvenir à ses fins, qui sont une plus grande autonomie vis-à-vis des Ottomans. Et un pouvoir plus unifié, notamment, ça fait très peu de temps que la menace mamelouk a été écartée, et donc il a vraiment besoin d'asseoir son pouvoir, ce qu'il va faire, et notamment il va mettre en place un État centralisé très fort, il va y avoir de nombreuses réformes en ce sens, et à l'époque, avoir des consuls européens qui viennent lui demander des autorisations de fouilles ou d'exportation d'antiquités égyptiennes en échange d'armes ou d'appui militaire, pour lui, c'est vraiment une opération gagnante. Donc, il les encourage à cette époque. Assez vite, toutefois, il y a des voix qui s'élèvent là-dessus en disant, quand même, c'est mieux de préserver les productions dans le contexte qui était le leur, etc. Et donc, dès 1835, il y a un arrêté promulgué pour restreindre l'exportation. En quelque sorte, le mal est déjà fait, puisqu'on a ces grosses collections qui sont arrivées, des milliers d'objets qui ont inondé l'Europe dans les années 1820. Mais je pense que c'est quand même un peu dangereux de faire une lecture a posteriori en disant les Européens sont arrivés, ont colonisé. À mon sens, ce n'est pas vrai. Les sources montrent bien que c'était fait avec la bénédiction des autorités. Il paraît donc nécessaire, et c'est l'avis de Monsieur le directeur général des musées, de faire des monuments égyptiens une division spéciale du musée du Louvre, à laquelle il devient alors indispensable d'attacher un conservateur chargé de la former, de la mettre dans l'ordre méthodique exigé par le goût général pour les études égyptiennes, d'en dresser l'inventaire authentique pour les archives de l'administration, d'en publier le catalogue instructif, afin de faire connaître au monde savant les richesses que la France possède en ce genre. La justice due à M. Champollion, dont les découvertes ont créé cette nouvelle source d'instruction, m'engage à le proposer pour cet emploi. Tels sont les motifs du premier titre du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Ça a été difficile pour Champollion de se faire nommer directeur des salles des antiquités égyptiennes ? Oui, ça a été de longs débats. Alors c'est vrai que rétrospectivement, on se dit que c'est une figure vraiment majeure dans l'histoire de l'égyptologie. Tout le monde connaît Jean-François Champollion. Ça semble une évidence, mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'est vrai que c'était un très jeune homme à l'époque. Et il était assez éloigné des cercles politiques, on va dire. Il avait notamment affaire avec des hommes d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui avaient participé à l'expédition d'Égypte et qui expliquaient que Champollion ne pouvait pas aussi bien connaître l'Égypte qu'il n'avait jamais été sur le sol égyptien. C'est vrai qu'il y va tardivement. Donc à l'époque où les salles égyptiennes ouvrent, il n'a jamais mis un pied en Égypte. Et il n'est pas forcément légitime sur ce poste de conservateur du Louvre. Et c'est notamment le frère aîné de Champollion, qu'on appelle Champollion Figeac, qui va mener une grande partie des discussions en sous-main pour convaincre que Champollion est le meilleur pour cette nomination. Ordonnance du roi Charles. Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. La conservation des antiques de notre musée royal du Louvre formera à l'avenir deux divisions. La première division comprendra les monuments grecs, les monuments romains et ceux du Moyen Âge. La deuxième division comprendra les monuments égyptiens de toutes les époques ou provenant de l'Égypte. Dans cette deuxième division seront aussi compris tous les monuments orientaux, phéniciens, puniques, arabes, persépolitains et hindous qui existent au musée ou qui pourront y être ajoutés. Il y aura chaque année au musée des Antiques du Louvre et durant la belle saison, un cours public et gratuit d'archéologie égyptienne où l'on exposera les deux systèmes d'écriture dont se servaient les Égyptiens. Le sieur Champollion le Jeune, conservateur des monuments égyptiens, est chargé de secours. Et autant que faire se pourra, il appliquera les théories aux monuments du musée qui seront sous les yeux du public. Donné en notre château des Tuileries, le 15e jour du mois de mai de l'an de grâce 1826 et de notre règne le second, signé Charles. La constitution d'un département d'antiquité égyptienne a fait grincer des dents, tout le monde n'était pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Christophe Barbotin, le contexte de l'époque entre les tenants des beaux-arts, les tenants des arts des civilisations? Dans quels termes se posait le débat? Le débat se posait en des termes multiples. Il y a d'abord la grande découverte de l'Égypte, qui était le début d'une longue série de découvertes qui montraient que l'Antiquité était prodigieusement ancienne par rapport à ce qu'on imaginait. D'autre part, il y a également des rivalités internes au Louvre, entre différentes personnes, qui se voyaient disputer le territoire par ce Champollion, qui en plus était un mauvais sujet, républicain notoire. Et puis, la tradition ancienne, héritée des cabinets de curiosité, était, en Europe en général, de présenter les objets pour leur valeur esthétique. Et Champollion le décrit très bien dans l'introduction à sa notice descriptive des monuments égyptiens présentés ici, qu'il n'entend pas se contenter de faire des beaux-arts, il veut présenter les objets pour les expliquer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une démarche qui est vraiment moderne, qu'on reprend toujours à notre compte aujourd'hui, qui aujourd'hui est considérée comme évidente. Elle ne l'était pas du tout à l'époque. Au moment où on cherche à faire entrer des collections égyptiennes dans les musées, donc ce n'est pas propre au Louvre, c'est des débats qu'on retrouve aussi au British Museum, en particulier au moment de l'acquisition par ce musée de la première collection réunie par le consul Soult. Ces questions qui sont... Le musée est là pour servir l'éducation artistique, l'éducation de nos jeunes artistes qui viennent s'inspirer, s'imprégner des formes classiques de l'Antiquité pour produire un art au goût du jour. Et quelle place ont les productions égyptiennes de l'époque qui effectivement sont à l'opposé des canons classiques sur lesquels l'art européen s'est construit. Donc effectivement, à cette époque, certains jugent inutile de faire entrer des collections égyptiennes. Donc on a d'ailleurs des citations, des textes assez amusants sur la question. Du comte de Clarac, conservateur des antiques du musée du Louvre, au comte de Forbin, directeur général du musée, 21 août 1825. Le commerce des antiquités devient trop actif et trop lucratif en Égypte pour qu'on puisse appréhender de ne pas pouvoir, quand on le voudra, s'en procurer autant qu'on peut le désirer. Les momies, les sarcophages abondent. Et l'on se procurera 100 statues égyptiennes, qui ne seront au fait que de très peu d'intérêt dans le rapport des arts, avant d'être assez heureux pour trouver une belle statue grecque. Et comme j'ai eu l'honneur de vous le dire plusieurs fois, monsieur le comte, tant que l'on n'aura pas fait l'acquisition du superbe hermaphrodite antique de monsieur Cortot, l'une des plus belles et des plus curieuses statues qu'il y ait, et de la statue de bronze doré de l'île Bonne, je ne concevrai pas que l'on puisse trouver des fonds pour acheter des antiquités égyptiennes, quelles qu'elles soient, et cependant, sous le rapport de l'érudition, j'y attache autant de prix que tout autre. Mais il me semble que le musée destiné à l'étude et au progrès des arts, au maintien du style et du goût, a encore plus besoin de belles statues que de monuments curieux. Il s'agit, pour les gens de l'époque, d'admettre en leur sein, c'est-à-dire au cœur de la civilisation même qu'ils sont chargés de représenter, de défendre et de promouvoir, d'admettre en leur sein un corps exogène. Jusqu'à quel point on le considère exogène? Parce qu'en même temps, Clarac, dans sa description des monuments antiques du Louvre, il a des mots très élogieux à l'égard d'une statue qui est un peu une des statues fétiches de notre département. Il avait permis, l'acquisition avait été faite à son époque. C'est la statue de Nartor Reb, qui est actuellement en exposition temporaire au Louvre à Abu Dhabi. Et à l'époque, dans le travail qu'on faisait précisément vers ce goût autre que le goût classique, on reconnaissait dans cette statue un état d'achèvement absolument parfait de la sculpture égyptienne. Donc on voit qu'en même temps qu'il reproche ces éléments dans un courrier officiel, il fait lui-même des efforts intellectuels, de goût, etc., considérables pour aller au-devant de cette culture. Ce n'est en aucun cas, à mon sens, intellectuellement en tout cas, la preuve d'un aveuglement ou d'un... Il s'agit de progresser. Et ces progrès-là, on le sait suffisamment, ont été faits vers les arts dits premiers aujourd'hui, etc., etc. Au final, ce qu'on voit se dessiner dans ces années-là, c'est une sorte de fusion entre la partie, on va dire, galerie, qui était inspirée des galeries qu'on pouvait avoir notamment en Allemagne au XVIIIe siècle, et la partie cabinet de curiosité. Donc le musée opère à ce moment-là une sorte de fusion entre ces deux ancêtres du musée et se met à exposer aussi des objets qui renseignent historiquement sur une civilisation. Et on a notamment cette citation d'un proche des Champollion, qui dit « Le musée ne peut plus dès lors être considéré comme le temple des beaux-arts, il devient aussi celui des lettres et de l'histoire. » De Jean-François Champollion à l'abbé Gazzera, 14 octobre 1826. Costa vous dira, mon cher ami, le motif qui me prive inopinément du plaisir de vous embrasser encore une fois, avant de gagner Paris où mon musée me rappelle à corps et à cris. J'ai une magnifique salle au rez-de-chaussée pour mes grosses pièces et 4 salles au premier étage du palais. Mes colosses et momies sont dans la cour du Louvre ou dans les magasins et il faut que je sois là pour empêcher de faire des brioches, autrement dit des bêtises, pour les décorations des salles. Me voilà donc bientôt au milieu des peintres, architectes et maçons et ce n'est point sans peine si la chose marche. Donc Champollion a dirigé de très près la préparation de ce musée, la préparation architecturale. Très souvent, il n'a pas obtenu gain de cause. Il aurait voulu un décor entièrement égyptien. Il ne l'a obtenu que dans 2 salles, celle-ci puis une autre, avec un plafond égyptisant, reprenant des décors égyptiens tels qu'on se les imaginait. Dans la salle voisine, nous avons des grisailles au sommet des vitrines qui sont des reprises de bas-reliefs égyptiens illustrées par la description de l'Égypte. Cet ouvrage monumental qui était très en vogue à l'époque et que l'on connaissait bien. De même, les grandes vitrines murales en acajou ont été conçues à cette époque-là, même si elles ont subi des aménagements, bien sûr, depuis, pour le musée égyptien, musée qui se poursuivait dans le même style, sur l'autre aile, bien sûr, pour d'autres choses. Donc tout, vous avez ici un décor qui, dans l'ensemble, est bien conservé, d'époque Charles X, avec des stucs qui imitent le marbre, des cheminées en marbre, des plafonds peints, des grisailles, dans un style néoclassique, comme on le faisait à cette époque de la Restauration. Alors, levons la tête et regardons ce plafond que vous évoquez, Christophe Barbotta, vous nous dites que c'est un décor égyptisant tel qu'on l'imaginait à l'époque. Ce plafond est une sorte de petit pied de nez aux antiquités grecques et romaines qui se trouvaient juste à côté, puisqu'elle représente la découverte de l'Égypte à la Grèce et à Rome, voyez, pour bien montrer que l'Égypte était plus ancienne que la Grèce et Rome, ce qui faisait grincer des dents à l'époque. Donc on voit des... On voit donc une dame voluptueusement assise sur un fauteuil vaguement égyptien, encadrée par 2 lions dans le style égyptien, tel qu'il y en a quelques-uns ici, qui est dévoilé par différents génies à la Grèce et Rome représentées à droite. Par des allégories féminines, oui, c'est ça. Et derrière cette incarnation de l'Égypte, on a des pyramides et un obélisque qui campe le paysage. Tandis que dans le plafond voisin, on a un sujet d'inspiration biblique, c'est Joseph sauvant l'Égypte des plaies de l'Égypte, sur un fond de temple d'Endera qui est bien reconnaissable, là aussi, inspiré par la description de l'Égypte. Et ça, c'est l'élément vraiment moderne. Examen des nouvelles salles du Louvre contenant les antiquités égyptiennes, grecques et romaines. Guide d'Alexandre Lenoir, 1828. On doit à la munificence de Charles X un musée d'antiquités égyptiennes qui manquait à la France. Cette nouveauté attire la foule. Le savant, l'homme studieux, l'amateur, aussi bien que le simple curieux, ils viennent rendre hommage au roi protecteur des beaux-arts, qui a ordonné l'acquisition des antiquités et des objets précieux, que l'on a classés méthodiquement dans les galeries du Louvre, ouvertes au public le 15 décembre dernier. Ce qu'a fait Champollion, c'est qu'au moment même de l'ouverture des salles égyptiennes du musée Charles X, il a produit un guide du visiteur, donc pour aider le visiteur, parce qu'il avait une démarche vraiment pédagogique aussi, il voulait vraiment que cette civilisation égyptienne soit comprise, et donc il a voulu accompagner le visiteur avec un guide dans lequel il a bien sûr décrit les objets assez précisément. Entrons maintenant dans le sanctuaire antique où la science se montre dans la division des genres, et surtout dans l'ordre que le conservateur a suivi pour le placement des objets. Le livre de Monsieur Champollion, le jeune à la main, nous porterons d'abord nos regards sur les pièces les plus importantes de l'Égypte, que nous devons à quelques voyageurs zélés et instruits. Pour reconnaître plus facilement les sujets figurés par les idoles, par les statuettes et par les amulettes, et aussi ceux des bas-reliefs, des stèles et les dessins des papyrus, nous suivrons la théorie ancienne sur les emblèmes hiéroglyphiques, parce que les monuments que nous avons à examiner appartiennent aussi. Alors, voilà, donc là on se trouve face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, donc juste à côté de la station de métro actuelle Louvre-Rivoli. Et donc l'escalier qui relie actuellement le rez-de-chaussée des antiquités égyptiennes et le premier étage était le point d'entrée en fait, des visiteurs du musée Charles X à son ouverture en décembre 1827. Donc les visiteurs arrivaient dans ce hall et ensuite s'engageaient dans l'enfilade de salles et donc quatre salles d'antiquités égyptiennes, donc une première salle funéraire, une salle civile, de nouveau une salle funéraire et une salle des dieux. Donc organisée dans l'enfilade et ensuite la deuxième partie du musée Charles X avec des antiquités grecques. C'est véritablement avec ces salles Charles X de Champollion que le département des antiquités égyptiennes du Louvre naît et que le Louvre accueille donc un premier ensemble de salles dédiées à cette civilisation. Christophe Barbotin, nous sommes descendus au rez-de-chaussée de cette aile Sully. Ici, nous sommes dans un espace avec des pièces manifestement beaucoup plus monumentales, qui pèsent là pour le coup plusieurs tonnes pour certaines d'entre elles. Est-ce que toutes ces pièces étaient déjà au Louvre à l'époque de Champollion ? Certaines de ces pièces étaient déjà au Louvre à l'époque de Champollion, mais elles étaient en caisse. Et ça, c'était son crève-cœur. Il n'a pas obtenu que les salles pour des pièces lourdes puissent être aménagées de son vivant. Il ne les a jamais vues exposées. Il se bat à l'époque avec l'administration du Louvre pour obtenir des salles. Les espaces sont chers, durement disputés, et notamment les espaces qu'il cible au rez-de-chaussée sont attribués parfois à des fonctions annexes du musée, enfin annexes centrales, mais pas à l'exposition des œuvres, donc comme les ateliers des personnes qui vont faire les socles, etc. Donc il y a une pénurie d'espace, vraiment, et Champollion n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite. On lui propose des salles qui sont trop exiguës, donc c'est beaucoup de discussions pour obtenir ce qu'il souhaite. Il l'obtient juste avant de partir en Égypte, et ensuite, à son retour, sa mort prématurée ne va pas lui permettre de préparer l'ouverture de ses salles. Elles seront ouvertes plus tard, sous Emmanuel de Rouget, à l'aube, au milieu du XIXe siècle. Nous nous trouvons dans la première salle du musée du département des antiquités égyptiennes. On les appelait salles égyptiennes à l'époque, du musée Charles X, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que cette salle est la même que celle de 1827 à l'ouverture du musée ? Alors, elle est en partie la même. Ces salles ont été remaniées au moment du Grand Louvre, de l'ouverture du Grand Louvre. Donc, on peut voir des vitrines voilà, d'un style moderne qui se trouve au milieu de la salle. En revanche, ce qui a été parfaitement conservé, c'est le décor, les plafonds et un certain nombre de vitrines murales. Au niveau de l'organisation générale des salles, c'est tout de même assez différent puisqu'on avait à l'époque, en étant une tradition encore issue du XVIIIe siècle, de volonté encyclopédique de présentation. Donc on imagine des salles qui étaient très chargées avec un podium, une vitrine centrale qui prenait beaucoup de place et des petits espaces de circulation, bien à l'opposé de nos conceptions modernes de la muséographie où il faut que les visiteurs aient la place de se mouvoir. Donc l'espace était beaucoup plus encombré, les vitrines étaient beaucoup plus chargées, un peu dans un esprit cabinet de curiosité avec des présentations de séries pour illustrer l'aspect multiple de certaines productions. Ces objets, ces premiers objets donc exposés au Louvre, ils sont toujours là, on peut toujours les voir. Il y en a quelques-uns dans cette première salle. Alors, dans cette première salle, cette petite salle-là, qui représente Ramsès II, enfant. Donc cette petite stèle, c'est pas indiqué, mais effectivement, elle provient de la collection Salt. C'est donc une stèle en calcaire. En calcaire. Qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur. On voit un personnage, donc Ramsès II, de profil, assis. avec une main devant la bouche, l'autre sur ses genoux, des hiéroglyphes qui sans doute mentionnent son nom. Exactement. De part et d'autre. Et donc la notice qu'il en donne. Vous l'avez vu passer ? Oui, je crois. C'est pas elle. Ah oui. Donc indique, donc c'est D54, calcaire blanc, stèle représentant le pharaon Ramsès le Grand, entre parenthèses Sésostris, jeune et sous le costume du dieu Horus. Au revers, puisque c'est une stèle biface, au revers, acte d'adoration au dieu Ptah, protecteur spécial du conquérant égyptien. Et c'est aujourd'hui le N522 du département des Antiquités égyptiennes. Et elle a été posée donc par Champollion, à l'époque, sur un petit socle, en marbre en l'occurrence, en marbre brun ocre. Exactement. Et ça, c'était un choix fort et scientifique, d'une certaine façon, de Champollion. Voilà. Les bronzes sont sur pied. Il a décidé, en fait, donc on en trouve mention dans une lettre qu'il écrit en septembre 1827. Les dieux et les animaux sacrés sur des socles de marbre de Sienne ou de chrome. Donc, par sa muséographie, il souhaite classifier les objets selon qu'ils appartiennent au domaine funéraire, au domaine religieux, au domaine royal. Les monuments royaux sur albâtre oriental. Les civils sur serpentine et les funéraires sur des socles noirs. Et ainsi que les visiteurs puissent les repérer directement comme appartenant à l'une ou l'autre catégorie, qui sont aussi les catégories utilisées dans la répartition des salles, différentes salles. Ce sera une véritable encyclopédie égyptienne par ordre de matière, religion, gouvernement, mœurs, usages, costumes, etc. Donc ces principes muséographiques vont devenir les catégories de la discipline scientifique de l'égyptologie. Ça va devenir effectivement des catégories dans lesquelles les égyptologues ont souvent été un peu à l'étroit. On trouve notamment mention de ça dans l'introduction au guide des salles du Louvre qu'a rédigé Charles Boreux, qui était conservateur du département dans les années 1930, qui lui explique que donc, dès la fin du 19e siècle, le conservateur Georges Bénédite va commencer à remettre en question ces catégories qu'il qualifie, je cite, de bric-à-brac. Et donc, il explique que c'est un classement idéologique qui ne tient aucun compte de la forme et qui est basé uniquement sur le fond. Et donc, lui, c'est quelque chose qu'il dénonce. Et donc, il cherche à ce moment-là à remanier les salles pour plutôt offrir un discours sur l'histoire des productions égyptiennes, l'histoire de l'art et des formes. Est-ce que dans une salle comme celle dans laquelle on est en ce moment, Christophe Barbotin, il y a des façons de présenter les objets qui auraient été inenvisageables à l'époque de Champollion, ou est-ce que, même si tous ces objets n'étaient pas là en 1826, est-ce que les choses auraient pu être présentées de cette façon ? Théoriquement, les choses auraient pu être présentées de cette façon, puisque l'esprit est le même. Alors, bien entendu, comme vous le dites très bien, la collection a énormément augmenté depuis, et les connaissances aussi. Donc, on ne voit plus du tout les choses comme lui. Mais enfin, on a la même volonté que lui de faire comprendre la culture de ces Égyptiens, et non pas pour montrer combien ils nous ressemblent, mais au contraire combien ils sont différents. Ce qui est intéressant dans l'approche des civilisations extra-européennes, c'est de mesurer la différence. On se comprend mieux soi-même quand on voit la différence avec les autres. Et on n'a pas fini aujourd'hui encore de découvrir les différences de pensée des Égyptiens par rapport à nous. On n'arrête pas de le découvrir, et c'est ce qui est absolument passionnant. Le département égyptien actuel est divisé en deux depuis 1997, depuis le grand programme de réaménagement conçu par Jean-Louis de Sénival, le nouveau Champollion en quelque sorte du musée du Louvre sur le plan muséographique, est divisé en deux. Tout le rez-de-chaussée est consacré à des thèmes de civilisation, tels que Champollion les aurait adorés, et tout l'étage est consacré à la chronologie. La collection égyptienne du Louvre est assez riche pour avoir pu être divisée dans ces deux parties, avec à chaque fois des éléments extrêmement fournis. Les thèmes de civilisation tels que Champollion les aurait adorés, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la vie quotidienne, le monde des morts, la religion, le temple, l'écriture. Il y a une salle entière consacrée à l'écriture, etc. Donc, il y a une série de thèmes de civilisation qui sont très, très appréciés du public aujourd'hui. Nous avons plus de public au rez-de-chaussée dans les thèmes de civilisation qu'à l'étage où sont exposés en principe les chefs-d'œuvre, mais dans un ordre chronologique. L'effort que nous faisons à la conservation pour aller au rendez-vous des efforts que fait le public à visiter les collections égyptiennes et à comprendre la civilisation égyptienne sont patients. C'est des progrès patients que d'aller au rendez-vous d'une civilisation comme celle de l'Égypte ancienne. Et il est évident qu'une collection comme celle du Louvre joue un rôle fondamental pour la diffusion et la connaissance de l'Égypte ancienne. Mais je pourrais dire ça, bien évidemment, du musée de Turin où j'étais il y a quelques jours, du musée de Berlin, du Metropolitan Museum of Art, et j'en passe, hein, j'en oublie beaucoup. Mais je pourrais dire ça surtout et avant tout du musée égyptien de la place Tahrir au Caire. Je compte avoir sous la main dans peu de temps le colosse de Rome, qui fait pendant à votre Ozymandias. J'ai rencontré Monsieur de Forbin à Florence et nous avons comploté de l'acheter d'abord, quitte ensuite à faire approuver l'acquisition par le ministre. Je vais voir en arrivant à Paris la collection Passalacqua et on m'écrit qu'il ne dépendra que de mon avis pour en faire l'acquisition. On ne parle, on ne rêve que musée égyptien et je suis certain maintenant de faire une fort belle chose. Champollion au Louvre, l'égyptologie au berceau. Merci à Patricia Rigaud, Juliette Tanrechevzik, Vincent Rondeau et Christophe Barbotin. L'intérêt d'un grand musée, comme le Louvre, c'est de réunir énormément d'objets qui permettent de travailler sur des séries. Ces objets-là font donc avancer la science, mais on peut en dire autant de tous les grands musées du monde, et bien entendu du terrain. L'archéologie sert à ça aussi, à glaner de nouvelles informations. Voilà, on ne peut pas travailler sur des petits objets isolés, c'est ça qui est très important. Et Champollion l'avait bien compris, et c'est pour ça aussi qu'il voulait acheter des quantités d'objets en même temps, même des choses très modestes, parce que ce sont les séries qui permettent d'apprendre, de recouper et d'avoir des réalités solides. On ne peut pas bâtir une loi générale sur 5 objets. Aujourd'hui, nous voyons dans les salles du Louvre une toute petite proportion, puisque pour un objet en bon état, on en a peut-être une dizaine qui sont en beaucoup moins bon état et qu'on ne peut pas exposer faute de place, ni même d'intérêt, le public s'y perdrait. Par contre, ces objets sont absolument essentiels pour que l'on continue à travailler. Et de ce point de vue-là, l'avenir est très sombre, parce que le musée du Louvre est menacé par l'externalisation de ses réserves. Vous avez entendu parler peut-être de ce projet, des externalisations des réserves à Liévin. Un musée comme le Louvre, comme tous les grands musées, accueille beaucoup de chercheurs extérieurs, parce que la collection est énorme. La chose sera beaucoup, beaucoup plus difficile, lorsqu'il faudra aller à 200 km, évidemment. Plus cher, plus difficile, à tout point de vue. Si ces objets partent, il s'agirait de faire partir toutes les réserves du musée. Plus de recherche, c'est terminé. C'est la négation de Champollion, ça. C'est l'anti-Champollion. Voilà. Lecture Olivier Martineau. Prise de son Benjamin Puot et Yves Lehors. Mixage Claude Nior. Un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Marie-Laure Ciboulet. Demain, pour le troisième temps de notre série France-Égypte Fascination Mutuelle, Victor Massé de l'Épinay va nous guider dans l'exposition qui ouvre cette semaine à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une exposition sur le canal de Suez et son histoire. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.